Chapitre 13. Où était le bonheur? Cependant, revint le jour tant désiré où Suzanne au coquelicot put chausser encore la pantoufle de Cendrillon. Devinez-vous, mes beaux enfants blonds, ce qu'elle souhaita. Au premier rayon du soleil, elle se jeta hors du lit, baisa sa pantoufle, la mit à son pied et dit en levant les mains au ciel « Oh mon Dieu, conduisez-moi dans mon humble maison de la montagne avec mon ami Robert. Faites-moi la grâce de me rendre à mes chères bêtes, à mes fleurs et mes fruits, à ma vigne et à ma fontaine. C'est là seulement que je veux être la reine. » Et comme par enchantement, cette belle fille, qui avait alors le don de la sagesse, se trouva enlevée avec son ami Robert par un génie invisible. La fée Aurore les suivit pour les protéger. Quand Suzanne se retrouva dans sa maison, tout lui vint sourire, même sa gourmande de chèvre qui s'enivrait de pampres, même sa vache nonchalante qui était agenouillée dans le saint foin, à table jusqu'au menton. « Quelle école ? » lui dit son ami Robert. « C'est bien mieux encore que celle de mon peuple. Me voilà revenu des grandeurs. Je veux vivre ici, oublié du monde et oubliant le monde, n'ayant pas d'autre royaume que toi, ma belle Suzanne. « Que je suis heureuse de te voir si sage, » dit-elle en se jetant à son cou. « Après tout, » dit Rubicon, « il me reste un âne pour aller à l'école. » Le prince eut la plus grande joie du monde à revoir sa mère, qui disait tous les jours « Je ne vois rien venir. » Cependant, la marraine de Suzanne, la châtelaine de la Roche-Aigu, pensait toujours à sa fille, tout en lui filant une belle tapisserie pour le jour de ses noces. Elle pensa que Suzanne avait bien sanctifié sa vie par le travail, et qu'il était temps de la marier au prince Robert les Vignedieux. Robert, redevenu un simple paysan, jouait au cheval fondu avec le dénicheur de merle quand la marraine de Suzanne au coquelicot franchit le seuil de la porte. La jeune fille lui sauta gaiement au cou. « Ah, ma marraine, si vous saviez !» Et Suzanne au coquelicot conta tout à sa marraine. Rubicon panachait le récit par des quolibets abracadabrants. « Ce n'est pas tout, » dit la marraine. « Je suis aussi une bonne fée. » Et je viens vous dire que ce sera demain le jour de vos noces. » Suzanne et Robert rougirent et pâlirent de joie. « Seulement, » dit la châtelaine, « j'ai un secret à dire à Suzanne. Robert l'a trompée. Robert n'est pas un simple paysan, c'est un prince. Vois-tu là-bas ses vassaux qui viennent te rendre hommage ?»« Oh, quel malheur qu'il soit un prince !» dit Suzanne. « Non, » dit la marraine, « Robert sera bon prince. Il vivra loin de la cour, tu seras la reine des moissonneuses, et tu te couronneras toujours de bleuets et de coquelicots. »